pas très carré là. Pas bien carré. Je suis pas carré là. J'entends la basse derrière. Connexion. J'ai un léger.